Enseignement par le Vénérable Sayado Upanyasami, retraite Vipassana 2004, Centre d'Amarancy. There are four kinds of Sampajanya. As you remember, Sataka Sampajanya, the clear comprehension of what is of benefit. Sabbaya Sampajanya, the clear comprehension of what is suitable. Gochara Sampajanya, the clear comprehension of yogi's domain. Then Asammoha Sampajanya, the clear comprehension of non-delusion. Il y a quatre types de Sampajana, comme vous vous souviendrez sans doute. Sataka Sampajana, la claire compréhension de ce qui est bénéfique. Sapaya Sampajana, la claire compréhension de convenance. Gochara Sampajana, la claire compréhension du domaine du yogi. Et Asammoha Sampajana, la claire compréhension de la non-illusion. Si nous pratiquons la méditation Vipassana, c'est pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Nous sommes des Putujana, des êtres qui ne sont pas encore illuminés, et nous avons donc encore beaucoup d'impuretés dans l'esprit, beaucoup de Kilesa. Si on a des Kilesa dans l'esprit, il est impossible de voir les choses clairement. C'est pour cette raison que le Bouddha a enseigné comment se débarrasser des kilesa, des impuretés, par la pratique de la méditation vipassana, autrement dit la pratique des quatre établissements de l'attention. Les quatre établissements de l'attention sont le domaine du yogi, Gochara Sampajana. J'en ai déjà parlé. Gochara Sampajana, c'est la claire compréhension du domaine du yogi. Si nous restons dans notre domaine, les impuretés ne pourront pas pénétrer dans notre esprit. Nous ne serons pas harassés par les kilesa. Si vous êtes très attentif aux quatre bases, la contemplation du corps, la contemplation des sensations, la contemplation de la conscience et la contemplation des dhammas, comme voir, entendre, etc. Si donc vous êtes attentif à tout ce qui pénètre en vous par les six portes sensorielles, si vous êtes capable d'être attentif de façon pénétrante, vous pourrez constater qu'au moment précis où vous notez, il n'y a aucune impureté dans l'esprit. Si vous réussissez à être attentif sans interruption, que vous pratiquez l'attention ininterrompue, vous pourrez constater qu'il n'y a dans votre esprit aucune avidité, aucune colère, aucun orgueil, aucune vue fausse au moment précis où vous notez. Vous verrez que votre esprit est tout à fait pur et clair. Un esprit pur et clair voit les choses à fond, complètement, clairement. C'est Sampajana. Vous deviendrez capable de discerner complètement, à fond, parfaitement. Les yogis décrivent à l'entretien la façon dont ils ont expérimenté les sensations. Ils expliquent ce qu'ils ont vécu en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Et c'est très bien, il faut expliquer tout cela à l'entretien. Je vais une fois de plus vous expliquer comment vous devez appliquer la claire compréhension au moment où vous pratiquez la marche attentive. Je vous ai déjà expliqué que le nombre de pas n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important au moment où l'on marche, c'est la qualité de l'attention. Que vous fassiez 2 notes, 3 notes, 4 notes, 5 notes ou même 6 notes n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez ne faire qu'une seule note à chaque pas et arriver à voir les choses clairement, à fond, complètement, pourvu que vous soyez très attentif. C'est pour cette raison que nous encourageons les yogis à développer l'attention. Pour développer l'attention, il faut pratiquer de façon respectueuse et noter très soigneusement. Pas gauche, pas droit. Pas gauche, pas droit. Vous devez observer chaque pas très attentivement. Si vous êtes capable de suivre chaque pas sans interruption, vous pratiquez Gochara Sampajana, vous restez dans votre domaine. Gochara Sampajana, c'est la claire compréhension du domaine du yogi. L'esprit suit le mouvement du début à la fin avec beaucoup de précision. Ceci va vous permettre, tôt ou tard, de voir clairement, à fond, complètement. Au moment de l'entretien, vous expliquerez que vous êtes capable de noter le pas gauche et ensuite le pas droit, que vous ressentez une sensation de mouvement. Lorsque le pied s'avance, vous ressentez un mouvement vers l'avant. Lorsqu'il touche le sol, vous ressentirez peut-être de la dureté, de la douceur. Vous expliquerez la façon dont vous avez ressenti toutes ces sensations. Mais si vous êtes vraiment très attentif, il est possible que vous expérimentiez encore d'autres choses. Ce ne sont pas que les sensations que vous expérimenterez. Vous allez observer très attentivement, avec beaucoup de précision. Vous faites un effort soutenu pour maintenir votre attention sans interruption du début à la fin du mouvement. Vous voyez ce mouvement dans son entièreté. Être attentif de façon ininterrompue, c'est maintenir l'attention pendant toute la durée du mouvement. Vous le voyez entièrement et chaque fois qu'il a lieu. Vous notez la posture debout à la fin de la piste de marche. Vous notez le fait de tourner de nouveau la station debout, comme je l'ai expliqué hier. Si vous pratiquez ainsi, les pensées ne vont pas pénétrer en vous. Votre esprit sera pur et clair. Si l'esprit est pur et clair, la sagesse va se manifester. Certains aspects de la compréhension vont se manifester dans votre esprit. On peut dire que lorsque Gochara Sampajana devient puissant, le yogi reste dans son domaine et peut noter parfaitement. Il devient progressivement capable de percevoir l'intention même s'il ne la note pas encore délibérément. Il voit qu'avant que son pied ne s'élève, il y a une intention dans son esprit. S'il observe très attentivement, le yogi va ressentir cette intention. L'intention est très difficile à percevoir, elle est très furtive. Elle apparaît juste avant que le pied ne s'élève. Lorsque le pied est levé, l'intention a déjà disparu. Il est possible qu'un yogi soit conscient de tout cela. Sans intention, le pied ne s'élève pas. S'il s'élève, c'est à cause de l'intention. Mais cette intention disparaît instantanément. L'intention provoque l'apparition de l'élément air qui va propulser le pied vers le haut. L'intention est donc la cause pour l'élément air qui va mettre le pied en mouvement. Tout ceci, c'est expérimenter, c'est voir les choses clairement. L'élément air pousse le pied vers le haut et le corps tout entier va se mettre en mouvement. Vous voyez qu'observer le mouvement d'élévation du pied ne se limite pas à noter lever, lever. Si vous observez en profondeur, comme il vient d'être expliqué, vous verrez les choses clairement, à fond, vous verrez le mouvement dans son entièreté, étape par étape. Mais il faut pour cela que vous soyez très attentif. Si vous procédez ainsi, et que vous observez de façon pénétrante, Vous pourrez voir tous ces phénomènes qui se succèdent les uns après les autres. Vous verrez d'abord l'intention et elle va disparaître. Vous verrez ensuite le pied qui se met en mouvement et vous pourrez maintenir votre attention jusqu'au au moment où le mouvement se termine. Vous verrez très clairement, et c'est Asammoha Sampajana, c'est la vision non illusionnée. Il n'y a aucune confusion dans votre esprit. Vous avez confiance dans le Dhamma car vous voyez le changement qui se produit à chaque instant. Vous voyez le mouvement d'élévation débuter et vous le voyez se terminer. Vous voyez le mouvement d'avancement débuter et vous le voyez se terminer. Vous voyez tous ces changements très clairement. Vous voyez également que la conscience attentive apparaît pour disparaître l'instant d'après. Vous voyez clairement les différentes consciences. Votre esprit est très alerte, très clair, très pur. Vous voyez les choses très clairement. C'est Asammoha. Sammoha veut dire illusionné. Un esprit illusionné ne voit rien. Si vous ne réussissez pas à voir les choses clairement lorsque vous faites une note à chaque pas, vous pouvez passer à la deuxième méthode qui consiste à faire deux notes à chaque pas. Lorsque vous faisiez une note à chaque pas, vous marchiez à allure presque normale. Il faudra maintenant que vous ralentissiez votre rythme. Vous devrez observer de façon encore plus pénétrante. Vous levez le pied et ensuite vous l'abaissez. Si vous êtes très attentif, vous pourrez voir l'intention avant que le pied ne s'élève. En général, les yogis ne notent pas l'intention. Il faut que le professeur le leur demande. Avant de lever le pied, il faut noter intention de lever le pied, intention de lever le pied. Au début, vous aurez sans doute l'impression d'imaginer l'intention, car ce n'est pas naturel de noter l'intention. Mais si vous êtes très attentif, vous pourrez voir qu'il y a bel et bien une intention au moment où vous vous apprêtez à lever le pied, même si vous ne la notez pas. Vous verrez que l'intention provoque un mouvement de l'air qui va pousser le pied vers le haut. Le pied va alors se mettre en mouvement et s'élever par étapes successives. Si vous êtes très attentif, vous pourrez voir ces différentes étapes. Mais si vous les voyez, vous ne devez pas les compter. Ce n'est pas nécessaire de compter les étapes. Si vous comptez les segments, vous perdrez l'attention. Essayez de rester simplement attentif, de pratiquer ce que l'on appelle l'attention pure et d'observer pendant toute la durée du processus. C'est Gochara Sampajana, et lorsque Gochara Sampajana se sera renforcé, vous pourrez voir les choses très clairement. Vous comprendrez Anicca l'impermanence, Dukkha l'insatisfaction et Anatta le non-soi. Vous réaliserez l'enseignement du Bouddha, vous comprendrez par vous-même les trois caractéristiques des phénomènes. Si vous avez expérimenté clairement, à fond, parfaitement pendant la marche, vous pourrez également expérimenter clairement, à fond et parfaitement dans les activités quotidiennes. Vous comprendrez clairement au moment où vous verrez, où vous entendrez, où vous sentirez. Vous comprendrez clairement, comme je l'ai expliqué hier, au moment où vous étirez vos membres, où vous les ramènerez vers vous. Lorsque vous changerez de posture, vous pourrez voir l'intention qui précède les mouvements. Vous noterez chaque fois intention, intention et ensuite changer, changer. Vous comprendrez clairement dans les activités quotidiennes parce que vous aurez déjà développé votre attention par la marche attentive. Si vous êtes donc vraiment désireux d'arriver à la vision claire et pénétrante des choses telles qu'elles sont réellement, vous devez pratiquer de façon respectueuse. Hier, je vous ai expliqué les paroles du Bouddha. Lorsque vous étirez les membres, que vous les ramenez vers vous, vous devez le faire avec la claire compréhension. Lorsque vous effectuez tous ces mouvements, vous devez être très attentif. Lorsqu'il se revêt de ses vêtements, lorsqu'il porte son bol à aumône, le moine doit le faire avec la claire compréhension. Ces instructions du Bouddha s'adressent également aux laïcs. Lorsque vous vous habillez, lorsque vous mettez vos chaussures, vous devez le faire avec la claire compréhension. Vous devez être clairement attentif à tous ces mouvements. Lorsqu'il prend son repas ou qu'il boit, le moine doit le faire avec la claire compréhension. Le Bouddha nous demande donc d'être clairement attentif au moment où nous prenons notre repas. Il faut être attentif à tous les mouvements que l'on est amené à faire au moment où l'on prend son repas. Lorsqu'on voit la nourriture sur la table, il faut noter « voir ». Lorsqu'on arrange la nourriture sur l'assiette, qu'on la porte à la bouche, il faut noter, arranger, arranger. Lorsqu'on mâche la nourriture tout particulièrement et qu'on l'avale, il faut noter, mâcher, avaler. Il faut noter tous ces mouvements très attentivement. Si vous le faites, il est même possible que vous ne perceviez plus le goût des aliments. Un méditant qui est très attentif au moment où il prend son repas se désintéresse de la nourriture. Il est pris par un sentiment d'urgence et la seule chose qui compte pour lui, c'est de noter à chaque instant. C'est donc ainsi qu'il faut appliquer la claire compréhension lorsqu'on prend son repas. Il faudra également appliquer la claire compréhension au moment où l'on satisfait des besoins naturels. Ne pensez pas que lorsque vous vous trouvez à la salle de bain, vous ne devez plus noter. Il est possible que là également, certains aspects de la sagesse se manifestent. Lorsqu'il se tient debout, qu'il est assis, qu'il est allongé, qu'il est sur le point de s'endormir, lorsqu'il se réveille, lorsqu'il parle, lorsqu'il se tient silencieux, le yogi doit appliquer la claire compréhension. Il arrive que des yogis se montrent très attentifs lorsqu'ils pratiquent la méditation en posture assise, lorsqu'ils se tiennent debout, lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils s'allongent, et même lorsqu'ils sont sur le point de s'endormir. Ils notent alors « s'endormir, s'endormir ». Mais ici, nous suggérons de ne pas noter trop attentivement au moment où l'on est sur le point de s'endormir. Car si l'esprit note attentivement à ce moment-là, il va devenir très alerte, très vif, et vous ne pourrez pas vous endormir. Notez donc de façon superficielle, s'endormir, s'endormir. Au réveil, vous devez noter immédiatement « se réveiller, se réveiller ». Ce n'est pas fréquent qu'un yogi soit capable de noter au moment précis où il se réveille, mais si vous vous entraînez, après quelques jours, vous pourrez voir le moment précis où vous vous réveillez. L'attention sera présente dès le début, et vous noterez alors « se réveiller, se réveiller ». Il faut donc s'entraîner à être attentif depuis le moment où l'on se réveille le matin tôt jusqu'au moment où l'on s'endort le soir. Ce sont donc là les instructions du Bouddha. Si nous voulons réussir à comprendre clairement, à fond, complètement, nous devrons appliquer ces instructions. Ce ne sera pas facile de pratiquer en appliquant la claire compréhension. Mais comme je vous l'ai déjà dit, si nous le faisons, la confiance va progressivement apparaître en nous. Cette confiance va induire une énergie physique et une énergie mentale. Nous n'aurons plus besoin de nous reposer trop souvent, nous verrons de plus en plus clairement, et une forme de sagesse va apparaître une sagesse qui investigue. Cette sagesse va nous permettre de percevoir les trois caractéristiques des phénomènes, anicca, dukkha et anatta, au moment où l'on note. Ceci est crucial. Même si vous ne réalisez pas que ce que vous expérimentez, c'est anicca, dukkha et anatta, l'expérience aura eu lieu et elle vous aura marqué profondément. Et vous en parlerez à l'entretien. Les yogis parlent en général de ces expériences au moment de l'entretien. Ils décrivent avec précision tout ce qu'ils ont ressenti. Ils décrivent leur expérience. La capacité à expérimenter directement par soi-même et ensuite à présenter ces expériences à l'entretien est un des bénéfices de Vipassana. Si vous n'aviez pas pratiqué la méditation Vipassana, vous n'auriez pas expérimenté par vous-même, vous n'auriez pas eu la connaissance expérimentale de ce que vous décrivez. C'est pour qu'ils réussissent à expérimenter directement par eux-mêmes que nous encourageons les méditants à pratiquer de façon diligente, comme le demande le Bouddha. Vous m'avez souvent entendu parler de loba, dosa et moha. Ce sont les trois racines négatives. Loba, c'est le désir avide. Dosa, c'est la colère. Et moha, c'est l'ignorance. Si nous ne pratiquons pas Vipassana, et même si nous la pratiquons, mais de façon superficielle, en ne notant pas de façon pénétrante les différents objets, ces racines négatives resteront en nous. Mais si vous vivez dans votre domaine, si vous pratiquez Gocchara Sampajana, vous allez noter de façon ininterrompue, d'instant en instant. Il n'y aura alors plus aucune avidité, aucune loba, aucune colère, aucune dosa en vous. Et quand vous serez capable de suivre le mouvement dans son entièreté, vous pourrez réaliser l'intention, l'élément air, les sensations de dureté, de douceur ou tout autre élément qui se manifeste, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus aucune ignorance, aucune moha en vous. Plus l'attention se développe, moins il y a de dosa, de loba et de moha dans l'esprit. Ceci, c'est le premier bénéfice de la pratique de Vipassana, la purification des êtres. L'esprit est devenu extrêmement clair et pur. Dans la vie, les gens souhaitent en général vivre longtemps, ils souhaitent être en bonne santé et aiment être beaux. Je vais vous expliquer comment vous allez obtenir ces bénéfices. Lorsqu'on est pris par l'oba, le désir avide, on n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous serons ainsi amenés à mal nous comporter. Mais si vous êtes libre du désir, vous serez satisfait de ce que vous avez. Vous serez capable de choisir avec discernement vos aliments, les personnes avec qui vous allez vous associer. Tout cela aura pour conséquence que vous vivrez longtemps. Si vous apprenez à être attentif sans interruption, votre esprit va devenir très clair et très pur. Il n'y aura aucune colère en vous. La colère, c'est du feu. Lorsqu'on est en colère, on brûle intérieurement. Même si elle est jeune, cette personne paraît âgée. Son apparence extérieure n'est pas agréable. Mais si vous vous libérez de la colère, vous serez agréable à regarder. Vous serez capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Vous aurez cette forme de sagesse. Vous saurez que telle ou telle chose n'est pas recommandée, que telle ou telle autre chose est bénéfique. et ainsi vous pourrez vivre longtemps. Voilà comment la méditation vipassana peut nous être utile sur le plan mondain. Mais il faut cependant comprendre que même si elle nous donne la beauté, cette beauté est transitoire. Le méditant qui est capable de noter très attentivement les objets peut voir qu'ils changent à chaque instant, c'est anicca. Vous savez donc que vous êtes beau, mais vous savez aussi que cette beauté apparaît et disparaît constamment. L'apparition et la disparition, c'est la naissance et la mort. Vous comprenez qu'il y a en vous des naissances et des morts successives. Cette compréhension, c'est un aspect de la sagesse et vous l'avez développée en vous. Vous avez compris expérimentalement qu'il n'est pas possible d'être beau en permanence à cause de anicca, la nature impermanente des choses. En réalisant anicca, la nature impermanente des choses, vous réalisez automatiquement dukkha, l'insatisfaction, et anatta, l'insubstantialité. Les choses changent à chaque instant, rien ne dure, et c'est une souffrance, c'est dukkha. Il est impossible de les contrôler. Ces apparitions et disparitions ont lieu, qu'on le veuille ou non. C'est anatta, le caractère incontrôlable des choses. Si nous pratiquons la méditation, c'est pour atteindre la libération de la souffrance. Si vous réussissez à expérimenter anicca, l'impermanence, le fait que tout apparaît pour disparaître l'instant d'après, vous pouvez vous dire que votre pratique est déjà très développée. Si vous persévérez, vous expérimenterez encore beaucoup d'autres choses, vous comprendrez en profondeur ce que veut dire la libération. Voilà comment il faut appliquer la claire compréhension. Il faudra développer à ta pas l'effort vigoureux, car sans effort, il est impossible de maintenir l'attention de façon ininterrompue, et sans attention ininterrompue, il n'est pas possible d'arriver à la compréhension claire, complète et parfaite. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous être heureux et en paix. Puissiez-vous pratiquer la méditation de façon diligente et puissiez-vous comprendre clairement le Dhamma. So, in this way, you can apply clear comprehension, just three things to understand clearly. Atapa, putting forth effort, I say many times, without putting forth effort, we cannot be mindful moment to moment. Without mindfulness, we cannot comprehend clearly or thoroughly or completely or evenly. I will stop here today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Then may you understand the Dhamma clearly. Sadhu.